ombres glissent sur les murs usés. Le stream s'allume, l'heure est posée. Riders Kill trace ses signes dans la nuit. Les viewers veillent, prêts pour la fuite. Sous les étoiles froides, la tension monte. Chaque clic, chaque pas compte. Riders Kill avance, calme et précis. Le chaos danse, mais il sourit. Les flammes dansent dans ses yeux brûlants. La nuit respire, l'écho est puissant. Chaque seconde d'une victoire cachée dans ce monde rude. Il sait s'imposer. Les secrets murmurent dans le vent. Les pièges guettent, le temps est lent. Les alliances naissent dans le silence. Le stream pulse avec élégance. Les ondes s'étirent, les cœurs battent fort. Riders Kill guide au-delà du port. Chaque regard fixe l'écran brûlant. Où naissent les rêves dans ce champ. Une main tendue, un regard échangé. Le jeu devient dense, le cœur engagé. Riders Kill guide dans ce bal d'ombre. Chaque mouvement fait vibrer la tombe. Les voix s'élèvent, mélodie claire sous la lune. La nuit est fière, les silences parlent. Les âmes s'unissent dans ce stream. Tout s'épanouisse. Go in the fire's glow. We come alive. Riders Kill leads. We all survive. Through the shadows, through the fight. Together we stand. Hold the light. Les heures filent, la nuit s'étire. Le stream brûle, personne ne respire. Riders Kill parle, la foule écoute. Chaque mot pèse, chaque souffle s'écoute. Les cendres volent, le vent s'élève. Une force obscure mais qui soulève. Dans le calme, il forge sa voix. Un murmure qui ne meurt pas. Sous la lueur, les ombres s'effacent. Le silence chante, la nuit s'embrase. Les âmes dansent, libres et fières. Riders Kill veille, la lumière éclaire. Les rêves flottent, le temps se suspend. Une promesse dans chaque instant. Les étoiles brillent, le feu s'envole. Dans le stream, chaque cœur s'enroule. Dans ce monde de fer, de feu et de peur, Riders Kill avance, porteur de chaleur. Les mains se tendent, les voix s'unissent. Sous la nuit froide, l'espoir glisse. Chaque victoire, un souffle nouveau. La chaîne rompue, le flot est haut. Les murs tombent, les cœurs s'élèvent. Dans le silence, la lumière se lève. Le vent caresse les visages fermés. Les pensées flottent, les esprits libérés. Riders Kill guide avec douceur. Une mélodie qui chasse la peur. Les âmes vibrent dans ce flot d'émotions. Une danse lente, une passion. Chaque instant est un cadeau. Dans ce stream, notre écho. The fires glow, we come alive. Riders Kill leads, we all survive. Through the shadows, through the fight, together we stay, hold the light. Les ruines, une flamme danse. Riders Kill allume l'espérance. Les regards brûlent, les corps s'élèvent. Dans ce chaos, la force se relève. Chaque battement résonne fort. Le stream vibre un nouveau port. Les voix s'assemblent, le feu grandit. Une épopée qui jamais ne finit. Le calme revient, la nuit respire. Les cœurs s'ouvrent, les âmes chavirent. Riders Kill chante avec douceur. Une promesse, un futur meilleur. Les rêves s'étirent sous les étoiles. La lumière perce, brise les voiles. Chaque instant un souffle divin. Dans ce stream, le chemin. In the fire's glow, we come alive. Riders Kill leads, we all survive. Through the shadows. S'éteint, mais la flamme reste. Dans chaque regard, la force manifeste. Riders Kill TV souffle éternel. Demain encore, on rallume le ciel.